Alors, on la fait ou pas? Comment qu'on la fait? Maintenant, c'est à nous de manger, frère. Je vous ai parlé de sa capacité à survivre en milieu hostile. Et la manière dont je vous l'ai raconté ne laissait aucune place au doute. Pourtant, au fond de moi, j'étais persuadé qu'il partirait avant moi, avant le vieil homme que je suis. Mais à chaque fois que la mort croit s'en rapprocher, il lui file entre les pattes. Et quoi de plus dangereux qu'un poison invisible? Quoi de plus dangereux qu'un prédateur qui s'adapte en permanence à l'environnement qui l'entoure? Solo hay dos salidas de barco que te puedo ofrecer. El de las 12 y el de las 17. Ok. Entonces tendrás que cargar el contenedor a las 12. Sin olvidarte de que tienes que asegurar un pasaje a bordo. Está bien, Carlos. Todo se puede hacer. Ahora dime a quién tengo que meter. Aquí está todo en orden, pero en Marsella Hugo, no hay... Casse pas la tête, Marseille, je t'ai dit déjà. C'est mon affaire, ça. Quelle sont? No te preocupes. Sacho. Tus contenedores se quedarán aquí. Dos de los míos se encargarán de que no le ocurra nada. Lo cargarán mañana a primera hora de la mañana. Si todo va de puta madre, nos volveremos a ver. Gibraltar. Carrefour sans signalisation où la moindre hésitation se paye cher. Ici. La mer se jette tête baissée dans l'Atlantique, charriant sur son dos de lourds bolides pneumatiques. D'une berge à l'autre, 39 km 200 qui s'avalent en 30 minutes. Et la nuit, on y joue au chat et à la souris. Ce qui est sûr, c'est qu'un nouvel animal vient de se joindre à la partie. Et à l'évidence, il est bien plus cruel que les deux espèces que je viens de vous citer. Oui, si la rumeur dit vrai, Dieu seul sait comment tout ça se terminera. Si tu veux, le tour de la terre se fera vite. Stupéfiant compressé dans un coffre, une demi-tonne. Et le premier Yanni est venu vite. Le crime paye, je suis aveuglé. Je les vois à travers la bas-jour. Le bien triomphe pas toujours, tu le sauras si on vient t'étrangler. Un tocard pour la traite, beaucoup d'amour mais je fais la guerre. On prend du fer, s'il y a du fer, y'a des affaires, je fais des affaires. Mon égard sont si sonné, y'a des rappeurs à rançonner. Moi je veux voir leur vrai visage, celui qui est pas étalonné. J'ai traversé la Sicile, on passe en moto et on vintère. J'ai des rancunes qu'on mijotait, la mort est servie al dente. Très sous en pendentif, j'ai la même foi que mes ancêtres. La prison m'envoie vers le riff, je revêtis le sac aussi à le cintre. L'attaque comme la défense, un coup de poker nous rendra riche. Mes espèces sont clevaniches, on paye la caution en hachiche. J'aime toujours pas le caviar, servez-moi des pâtes au dîner. J'ai quelques feuilles en kevlar pour la balle qui m'est destinée. J'ai perdu la raison, et demain je te donnerai raison d'avoir vécu chaque putain de jour comme si c'était ton dernier. Si on passe pour se ficher, j'ai qu'à pas fumer sans feu. Gros sommet, gros enjeux, y'a pas que toi qui est broliqué. Julius revient comme Chiro, mon esprit vit sur Chihiro. Tes yeux voix sont des chimères, j'ai le visage bleu devant les géants. Fioli putana, curé glock sous la soutane. Une mère se jette sous un crâne et son fils a vécu le drame. Je bois le café dans l'arrière-boutique, j'ai mis la pharmacie en gérance. La vie m'a rien vendu de logique, jugement. Je me suis trouvé dans l'errance et j'ai demandé des réponses à des sourds muets. Revolver contre l'œil de bœuf pour celui qui veut l'orner. Ce qui se passe dans mon portefeuille, crois-moi qu'il y a bien plus violent que te mettre du plomb dans le citron. Crois-moi qu'il y a plus virulent que le plus chaud de tout l'arrondissement. Ça pleure dans tout l'auditoire, on en fait pire que les aînés. Mes refonds provisoires seront pas là pour le délibérer. Hey, on vient dans le club, ça leur coûte un mois de cavale. Si tu es devenu bizarre, pour agir, je demande pas d'aval. J'ai rendu fou ma vraie, en vrai de vrai. Je l'ai rendu fier, en vrai de vrai. Je suis vrai de vrai, avec les miens, en vrai de vrai. Des glocks, on fait pas du breakdance. On casse ta porte au tonnerre. Je vous laisse putain de Mercedes, trois putes sur la banquette arrière. Toujours un peu la palpite quand je vois passer la Stasia. Des millions passent sous nos yeux, faut tirer son épingle du jeu. Ce soir un petit mélatrique, au grand Léonidas. Bébé Paris c'est magique, bébé Marseille c'est mafieux. Les mecs de quartier, ils sont vifs ou pas? Ça bouge, ça bouge. Il y a de quoi faire. Et alors, la suite, qu'est-ce qu'on fait? Ok. Lotissement, import, export, immobilier. On va bricoler, monsieur le maire. On va bricoler. On a besoin. Il faut, on va faire ce qu'il faut. Très bien. Monsieur le maire, c'est une affaire qui roule, non? Parfait. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'est bon les gars, on se prépare, on chope dès qu'il sort.